cassine. Ce que je vais te raconter va te faire mal. Est-ce que t'es prêt à tout encaisser? Comme je le fais depuis tout ce temps. Je t'avoue que maman le savait. On est ensemble depuis 3 ans. Je m'en veux de te l'avoir caché. Je pensais avoir trouvé l'imparfait. Juste à qu'il se mette à me frapper. J'ai des bleus plein le corps camouflé par mes habits. Pour un oui, pour un non, monsieur me prenait pour cible. Humilié, je perdais confiance en moi, j'ai subi. Enfermé sur moi-même, j'en ai perdu des amis. Kassim, je l'aime, je pensais qu'il allait changer. Pardonne-moi mon frère, je me suis mise en danger. Et maintenant que je t'ai tout dit, tu vas faire quoi? Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je te connais, j'avais peur t'en parler. Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années. Je sais qu'il me fait du mal. Même si tu l'aimes, rien à foutre, il est où? Imen, comment tu as pu me cacher un truc pareil, ma soeur? J'ai les mêmes moites et j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Je ne sais pas par où commencer, c'est soit lui ou moi qui meurt cette nuit. Sur ma vie, je vais le suivre, j'irai seul. Tu me connais très bien, je vais pas porter plainte chez le commissaire. Tu as beau l'aimer, cet enfure a sali une famille entière. Je me sens responsable de vous depuis qu'on a perdu notre père. J'ai fait des bails dans la zone et j'ai toujours marché fier. Imen, une femme c'est une reine, Imen, une femme c'est de l'or. Il t'a volé ton honneur, je le retrouve prêt avant l'aube, car il n'a rien d'un homme. Parle, mais c'est déjà trop tard. Ça sera la dernière, même si tu me dis que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Je te connais, j'avais peur t'en parler. Qui t'a touché, dis-le-moi, dis-le-moi. Sur ma vie, je vais rentrer pour des années. Je sais qu'il me fait du mal, mais je l'aime. Malgré tout, je suis à bout. Je te jure que je vais lui faire du sale, même si tu l'aimes. Rien à foutre.